Ouais, Pan, ça confirme ce que je pense. C'est un gros mytho, Pan, c'est un gros mytho. C'est un gros mytho. Hein, ouais. Ce qu'elle veut, je te le dirai plus tard. Spiegel. Elle se fout de notre gueule, en fait. En fait, elle se fout de notre gueule, quoi. Elle se fout de notre gueule, elle chante sur les trucs, quand même. Bon. Jiku, c'est David en fait. Un peu, ouais. Un peu ou beaucoup, c'est comme tu veux, hein? Un peu, non, mais beaucoup, oui. Non, mais elle chante pas sur les trucs, elle a que les trois paroles et puis tu as dit ce soir. Non, mais elle se fout. Arnaud, elle se fout pas de notre gueule. C'est pas possible. Mais elle va nous faire un plan bientôt. Tu vas voir le plan, mec. Voilà. N'importe quoi. Elle avait l'air de chialer, hein. Tout le monde se fout de ma gueule, quoi. En fait, Howard, c'est quoi? C'est n'importe quoi, c'est. Si c'est ça, j'arrête la zip, moi. C'est bizarre, quand même. Aller pour de vrai, j'ai l'impression quand même. C'est bizarre, mec. Oh, c'est brave, mec, en fait. C'est un souffre-douleur, quoi. Ça sert à faire rire les copains, quoi, c'est ça. Écoute, Oh, fais chier, parce qu'on a, on a 30 secondes d'écart. Bah, je sais Toi et bien. moi. Là. Donc, si je te dis enculé ou va te faire foutre, tu peux pas même pas me répondre. C'est ça. Peut-être en profiter. Alors, Tico. Ah, mais c'est vraiment space, quoi. Je suis allé pour de vrai, mec, ce soir. C'est bizarre. Ouais, non, mais c'est bon, on va pas s'emmerder avec. C'est bon, quoi, je vais pas m'emmerder avec ça. Attends, oh. J'ai assez de problèmes, merde. Pas de la danse, tu vas sur Tini Chat. Tini Chat. Tiens, attends, je vais me connecter. Connecte-toi, on chatte un peu.